思います、 Amoureux de ce monde, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait de ce monde? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait de ce monde-là? Oh, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait de ce monde? Pensez aux enfants, pensez aux enfants, aux enfants qui n'ont rien demandé. Pensez aux innocents, pensez aux innocents, pensez aux enfants qui n'ont rien fait. Stoppez les guerres, stoppez les wars, laissez-nous faire, laissez-nous faire. Stoppez les guerres, stoppez les wars. Laissez-vous faire, laissez-nous vivre. Et nous vivre. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Ce monde est... Qu'avez-vous fait? Baisez-moi. Qu'avez-vous fait? Mon lieu de vie, de mon lieu de vie, je vous laisse croire et je m'en vais. Pour l'éternité, je vous laisse croire et je m'en vais. Qu'avez-vous fait de ce monde? Qu'avez-vous fait ce genre-là? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait, ce genre-là? Qu'avez-vous fait de ce monde-là? Qu'avez-vous fait, ce genre-là? Oh, qu'avez-vous fait de ce monde-là? Qu'avez-vous fait, mon de ce genre-là? Qu'avez-vous fait de ce monde-là? La pauvreté, qu'avez-vous fait, ce genre-là? La propreté, ce genre-là. Qu'avez-vous fait de ce genre-là? Qu'avez-vous fait ce genre-là? Vous délaissez, vous délaissez, vous regardez sans même bouger. Vous t'attendez, la différence est si grande entre vous et nous. Regardez-vous. La différence est si grande entre vous et nous. Oh, donnez-nous un peu de votre temps. Un peu de vie, un peu de... Pourquoi La situation les a obligés. Nous donne des priorités qui ne sont pas forcément bonnes pour notre bien-être. Jésus de Corée, qu'avez-vous fait de ces gens-là? Oh, qu'avez-vous fait de ce monde-là? Quelles sont vos priorités? Lisez-moi, laissez-moi dire. Oh, qu'avez-vous fait de ce monde? Qu'avez-vous fait de ce monde-là? Qu'avez-vous fait de ces gens? Quelles sont vos priorités? Laissez-moi croire. Vous me laissez croire, mon belle chose, je veux voir que les gens sont bâtis, n'essaye pas de vivre ce qu'ils veulent vivre. Vivant avec des tristesses, finissent leur vie avec des regrets. Ils ne savaient pas. Mais sur le moment même, ils étaient guidés vers le mauvais choix. Oh, qu'avez-vous fait de ce monde-là? Oh, qu'avez-vous fait de ces gens-là? Qu'avez-vous fait de ce monde-là? Ces gens-là ne méritaient pas nous. Qu'avez-vous fait de ce monde-là? Qu'avez-vous fait avec ces gens-là? Ces familles qui ne méritaient pas ça. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait de ce monde-là? Et qu'avez-vous fait de ce genre-là? Qu'avez-vous fait de ce monde-là? Qu'avez-vous fait? Ces gens-là ne méritaient pas de laisser les vivre. Pensez simplement qu'ils veulent être libres. Oh, oh, laissez les vivre. Pensez simplement qu'ils veulent être libres. Oh, ne méritez pas ça. Ne méritez pas ça. Même les animaux sont maltraités. Ne méritez pas ça. N'évitez pas ça, n'évitez pas ça. Les animaux sont enfermés en eux-mêmes. N'évitez pas ça, les animaux sont enfermés, maltraités. N'évitez pas ça, n'évitez pas ça. Les gens, toutes les familles, esclavagisés. Oh. Sans liberté de choix, sur un second lieu, ni esclavagisé, même pas de place pour s'exprimer, oh, esclavagisé, pas de place pour s'exprimer. Je pense à toutes les familles, à toutes les mères, à tous les pères qui essayent de mourir. À toutes les familles, à toutes les mères, à tous les pères qui essaient de souvenir. C'est les aiguilles dans ce monde où les choix n'est pas énorme, doivent travailler et fournir le beaucoup travailler pour un petit peu de faim, beaucoup travailler pour si peu de liberté. Qu'est-ce que vous avez fait? Beaucoup travailler pour tout peu de liberté. Qu'est-ce que vous avez fait? Laissez les gens, donnez-leur un peu de répit. Laissez les gens, donnez-leur un peu de répit. S'exprimer comme ils ont envie, laisser les gens comme ils veulent, un peu dérépit. Laissez les gens s'exprimer comme ils ont envie. Laissez les gens exprimer leur corps, exprimer leur voix, exprimer leur envie, leur âme, être même dans ce monde que vous nous sommes. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait de ses parents? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait de ses parents? Qu'avez-vous fait de ces gens qui ne demandaient rien d'autre que du simple temps pour vivre et pour s'exprimer? Ils ont besoin d'un. C'est pas l'argent qui va leur donner le moins temps. Oh, oh, qu'avez-vous fait? Yeah, yeah. Qu'avez-vous fait? Oh, oh, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait de ce monde rempli de vie? Rempli de danger. Rempli de danger. Qu'avez-vous fait?